Bonsoir chez vous et partout où vous nous captez. C'est l'heure de suivre le journal de ce soir, et dimanche le 26 août, dont voici d'abord les grands titres. L'Union africaine loue les efforts du gouvernement burundais pour tenter de ramener la sécurité et précise l'importance de la tenue du cinquième round de dialogue à Arusha qui permettra d'établir la feuille de route consensuelle. Plus de détails dans ce journal. Le gouvernement du Burundi ne reconnaît pas le groupe des tambourinaires qui se sont volatilisés en Suisse, selon Philippe Nzobonariba, le porte-parole et secrétaire général de l'État. L'ambassade de la Belgique serait derrière cette mise en scène pour ternir l'image du Burundi. Sur le même sujet, vous aurez la réaction conjointe des ambassades de la Belgique et la France, Pays-Bas, avec la délégation de l'Union européenne au cours de cette édition. Au nord-ouest du Burundi, précisément en province de Bubanza, dans la commune Gihanga, grogne côté de cultivateurs qui se plaignent de la mesure reprise par la SRDI de déraciner les cultures vivrières plantées sur 35 hectares. Voici pour le sommaire. Ce journal vous est présenté par Mireille Naomini Tegeka et la mise en onde est assurée par Eli Kadogo. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons son journal à la page diplomatie. L'Union africaine est en train d'appuyer pour la tenue du cinquième round du dialogue d'Arusha. Au cours d'une réunion tenue par le ministre des Relations extérieures à l'endroit des représentants du corps diplomatique accrédité à Bujumbura, l'ambassadeur Basile Ikouébé a indiqué que l'Union africaine apprécie les efforts du gouvernement pour tenter de ramener la sécurité. Mais ce représentant de l'Union africaine au Burundi dit que la tenue du cinquième round de dialogue est d'une importance capitale puisque cela permettra d'établir une feuille de route consensuelle. Écoutez-le. Je crois que la tonalité forte aujourd'hui, c'est de vous encourager dans la mise en œuvre de toute la politique tendant à stabiliser la situation dans le pays. À l'occasion du récent sommet de l'Union africaine à Nouakchott, nous sommes mis d'accord que l'Union africaine allait accompagner le Burundi dans la mise en œuvre d'une feuille de route qui permettrait l'organisation dans des conditions pacifiques, inclusives, des élections de 2020. Nous avons à cette occasion aussi salué l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter. Nous avons donc mis cela au crédit du gouvernement. Mais nous avons également souligné que nous ne pensons pas par là que tous les défis auxquels le Burundi fait face sont balayés par cette annonce. Nos différents pays font face à beaucoup de défis dont la résolution s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas à l'occasion d'un référendum ou d'une annonce que nous balayons tous les problèmes. Donc c'est un processus que nous encourageons. Et l'Union africaine vous a fait savoir qu'elle était prête à vos côtés pour vous accompagner. Accompagner voulant dire, nous saluons toutes les bonnes initiatives qui vont dans la bonne direction, mais nous nous réservons aussi la possibilité de donner des conseils pour éviter des dérapages. Nous apprécions beaucoup, je suis à côté de mon collègue du Kenya qui est bien impliqué sur la question, le dialogue inter-burundais d'Arusha, nous le préparons et je suis heureux de vous entendre dire que le gouvernement a décidé de participer pleinement à cette rencontre à laquelle nous attachons beaucoup d'intérêt, surtout qu'elle peut aussi viser à impliquer tout le monde dans la préparation de la nouvelle feuille de route qui a été tracée. À la même page diplomatie, le gouvernement du Burundi dit ne pas reconnaître le groupe des prétendus tambourinaires qui se sont volatilisés en Suisse. Philippe Nzobonariba, porte-parole et secrétaire général de l'État, indique que le ministère ayant la culture dans ses attributions n'a pas été mis au courant de cet événement folklorique et que même les visas de ces tambourinaires n'ont pas été donnés par le gouvernement du Burundi. Suivez Philippe Nzobonariba. Le gouvernement du Burundi a procédé à la vérification des faits et à la véracité de l'existence du prétendu groupe d'artistes tambourinaires qui serait parti en Suisse pour une exhibition folklorique. Après vérification, il se révèle que le ministère en charge de la culture n'a pas été du tout informé de la sortie du Burundi de ce groupe de tambourinaires ni de l'existence de cet événement culturel, alors que c'est ce ministère qui doit être saisi en premier lieu pour les démarches de sortie. Non plus, les services de l'aéroport international de Bujumbura n'ont pas enregistré de sortie d'un groupe de tambourinaires, encore au moins, des tambours burundais embarqués à destination de la Suisse durant cette période. Les tambours que les prétendus artistes burundais ont utilisés seraient venus d'Allemagne par le canal d'un groupe de complices dans leur disparition. Par ailleurs, les services du secrétariat général du gouvernement, qui est le seul organe habilité à délivrer les ordres de mission officiels pour toute activité engageant l'exhibition des couleurs nationales à l'étranger, n'ont enregistré aucun dossier de demande d'ordre de mission dans ce sens et par conséquent aucun ordre de mission sur la base duquel ce genre de visa devait être délivré n'a donc été émis. Plus curieux, les costumes portés par les faux tambourinaires ne reflètent pas les couleurs nationales du Burundi, comme celles que portent nos célèbres artistes à l'étranger que dans leur pays. Il s'agit ni plus ni moins d'une opération d'escroquerie culturelle. Philippe Nzowonariba continue, accuse l'ambassade de la Belgique au Burundi d'être derrière cette escroquerie pour ternir l'image du Burundi. Suivez-le encore. Le gouvernement du Burundi s'étonne de la facilité avec laquelle l'ambassade de Belgique a délivré des visas à des gens censés aller représenter le Burundi sans qu'il n'ait présenté aucun document officiel quand on sait comment l'obtention de visa Schengen n'est pas chose facile. En effet, les services consulaires de cette ambassade sont très regardants lorsque les officiels burundais sollicitent ce genre de visa, avec pourtant les documents requis à l'appui. À partir de ce qui précède, le gouvernement du Burundi ne peut conclure qu'à une manipulation et des combines entre l'ambassade de Belgique au Burundi et les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains, dont certains n'ont d'autre objectif que de terner l'image du Burundi si on tient compte des déclarations du responsable de l'événement en personne, citant les artistes qui prétendent qu'ils étaient en danger de mort dans leur pays. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte de tricherie, d'autant plus que le fait n'est pas de hasard, puisqu'il est organisé à la veille d'une réunion importante du Conseil des droits de l'homme à Genève même, ce mois de septembre, sans oublier les élections prévues en 2020. Le gouvernement du Burundi tient donc l'ambassade de Belgique au Burundi pour seul responsable des conséquences de l'octroi des facilités à des personnes dont les actes n'ont d'autre dessein que de ternir l'image du Burundi au moment où la communauté internationale reconnaît l'évolution positive de la situation au Burundi, tant au niveau sécuritaire que politique. Nul doute que les membres de l'équipe des faux tambourinaires ne sont pas les premiers à bénéficier d'une telle complicité. Le gouvernement du Burundi rappelle que le tambour burundais a été inscrit par le patrimoine immatériel de l'humanité et aucune personne ou groupe de personnes ne peut s'arroger le droit de son utilisation, encore moins d'une manière abusive, sans que le Burundi en soit informé. Les ambassades de Belgique, France, Pays-Bas et la délégation de l'Union européenne déclarent que les documents jugés nécessaires pour délivrer les visas à ce groupe de tambourinaires, y compris la prise en charge du groupe, ont été fournis par les hautes autorités burundaises. Dans un communiqué conjoint de ce samedi, les signataires de la déclaration nient toute volonté de nuire à l'image du Burundi. Ils refutent également toute collusion avec les réseaux de trafic des êtres humains tels qu'insinués par les autorités burundaises. Ces missions diplomatiques acceptent de continuer à octroyer des visas pour la zone Schengen selon les règles. Isanganiro, la radio de l'avenir. À la page politique, les représentants communaux du parti Ranak en province de Muramvya disent qu'ils ont encore peur d'enseigner les idéologies de ce parti. Ainsi, ils demandent aux responsables de ce parti de leur rendre visite souvent pour les appuyer moralement. Ce parti compte participer aux élections de 2020. Ces propos ont été tenus ce samedi à Muramvya lors d'une réunion à l'intention des représentants communaux du dit parti en province de Muramvya. Correspondance de Gérard Nibigira. Au cours de cette réunion, les représentants communaux du parti Ranak en province de Muramvya ont fait savoir qu'ils ont peur d'enseigner les idéaux de ce parti de l'opposition, surtout que le parti présidentiel CNDD-FDD est implanté partout, donc ils avouent qu'ils ont peur des militants de ce parti qui croiraient qu'ils viennent les concurrencer. À propos, ils demandent aux hauts responsables du parti Ranak de les rendre visite souvent dans leurs communes et collines afin que tous voient qu'ils sont appuyés et qu'ils ne font pas cavalier seul. Le porte-parole du parti Ranak, Georges Nikiza, demande à ses représentants communaux de ce parti à Muramvya de vaincre la peur. Monsieur Georges Nikiza affirme que cette fois-ci, le parti Ranak participera aux élections de 2020 et qu'il s'y prépare déjà par de multiples descentes dans différents coins du pays. Et nous avons prodigué certains conseils qui vont dans le sens de finalement approcher d'autres membres des partis politiques en premier lieu. En deuxième lieu, de respecter les lois et les règlements qui sont prévus pour les manifestations politiques et autres manifestations sociales et qu'il doit, dans leur activité, ne pas user la clandestinité. Il faut que celui qui représente le parti au niveau de la commune, au niveau des provinces, au niveau des collines et même au niveau des familles soit reconnu par l'administration. Et cela empêchera l'administration de ne pas subitionner nos militants. Au cours des élections de 2015, Ranak était une coalition de 6 formations politiques, mais il y a 2 ans qu'il est parti politique agréé. De retour de Muramvya, Jean Iwigira, Radio Isanganiro. À 18h13, quittons Muramvya pour Gitega, un homme du nom de Nsabimana Marc, âgé de 60 ans, originaire de la colline Rushanga, zone Mutoyi, en commune Bugendana de la province Gitega, a été tué à coups de bâton par 2 hommes dans la nuit de ce samedi à dimanche. Les informations en provenance de la police à Gitega ne nient pas les faits et indiquent que le défunt était accusé de la sorcellerie. La police fait savoir que les auteurs de ce crime sont incarcéré à la position de la police de Mutoyi en attendant d'être conduit devant l'OPG en commune Bugendana pour l'instruction du dossier. Toujours avec les brèves, parlons maintenant agriculture. Les cultivateurs du village 2 de la commune Gihanga, province de Bubanza, s'insurgent contre la mesure prise par la SRDI de déraciner toutes les cultures vivrières plantées sur 35 hectares. La CRDI indique qu'il fallait y planter du riz et que les cultivateurs n'ont pas le droit de changer le programme cultural. De son côté, le directeur à l'intérim de la SRDI tranquillise et précise que les cultures déjà plantées ne seront pas détruites, mais il demande à ses cultivateurs de ne pas continuer à planter d'autres cultures. Notre journal continue. À Muyinga, 45 femmes de l'ethnie Batwa ont été bénéficiées ce samedi d'une assistance en kit de dignité, dont des serviettes et sous-vêtements. Pour le coordinateur de programme de l'Association pour l'intégration et le développement durable au Burundi, AIDB, cet appui accordé par le FINUAP et les sensibilisations faites à l'occasion aideront à les familiariser, cette tranche de la population aux services de santé sexuelle et reproductive. Correspondance de Dieudonné Nzeimana. Les 450 femmes sont majoritairement des résidentes des villages d'Ochibali, Mukoni et Ruganigwa en commune Muyinga. Elles ont eu un kit de dignité constitué de seaux, de pain, de savon, de crème, des serviettes et en sous-vêtements. Nous voulons que nos mères et sœurs soient propres et s'adaptent aux services de santé sexuelle et de reproduction, précise Séverin Cindy Zera, coordonnateur des programmes au sein de l'Association pour l'intégration et le développement durable au Burundi, AIDEB. C'est cette organisation qui a distribué ce kit, partie de l'aide de la part de l'Agence des Nations Unies pour la population, FINUAP. À côté du kit de dignité, les Batois sont formés sur la planification familiale et la santé sexuelle. Les agents de l'Association pour le bien-être familial ABUBF sont présents sur les lieux. Ils offrent les services en planning familial. Des tests de VIH sont faits. Bon nombre de ces Batois sont rentrés étant au courant de leur état sérologique. De Muyinga, Dieudonné Nzeimana pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Comme à l'accoutumée, tous les dimanches, c'est place à la chronique nutrition. La viande est un aliment qui aide dans la croissance de l'organisme humain. Selon Atana Zenhiano Geye, nutritionniste, explique que les viandes rouges et celles blanches ont des ressemblances et des dissemblances en ce qui est de leur composition. Cet expert donne comme exemple que les viandes rouges possèdent le fer qui lutte contre l'anémie, une composition absente dans les viandes blanches. Atana Zenhiano Geye indique néanmoins que la consommation excessive de viandes rouges est à la cause des maladies comme l'hypertension, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Plus de détails, c'est dans le chronique avec Gertrude Mawenayo. Depuis longtemps, les Burundais consommaient de la viande, en témoigne la vie que menaient nos ancêtres, qui vivaient de la chasse, la pêche et la cueillette, comme le dit Athanase Nianogeye, nutritionniste. Il ajoute qu'actuellement, la viande est considérée comme un aliment de prestige. Cet expert explique que les deux sortes de viande, dont les viandes rouges et les viandes blanches, appartiennent au groupe des constructeurs. De manière générale, il y a les viandes rouges et les viandes blanches. Les deux ont des ressemblances. Les deux appartiennent au groupe des aliments constructeurs ou bâtisseurs, vous voyez, qui construisent l'organisme. Et les viandes construisent, entretiennent et renouvellent les cellules de notre organisme. Ensuite, ils contiennent des éléments essentiels pour la croissance, qu'on appelle les acides aminés, qu'elles soient rouges ou blanches. Troisièmement, cette fois-ci, les viandes rouges contiennent du fer plus que les viandes blanches. Du fer pour lutter contre l'anémie. Les viandes permettent de lutter contre une maladie courante qui sévit surtout dans les pays en voie de développement comme le Burundi et le kwashiorkor. Cet expert explique que les viandes rouges sont nécessaires surtout pour ceux qui font beaucoup d'exercices physiques, mais que les viandes blanches peuvent être consommées par n'importe qui veut avoir une bonne santé. Athanase Nianogeye explique également que la consommation excessive des viandes rouges est à l'origine des maladies comme l'hypertension et les accidents vasculaires cérébraux. Concernant les viandes rouges, leur excès provoque les risques cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension. Aujourd'hui, dans les centres urbains comme Bujumbura, on parle de plus en plus des accidents vasculaires cérébraux. Il y a risque d'attraper la goutte. Et puis, des chercheurs ont prouvé de manière générale que la surconsommation de la viande, c'est-à-dire ceux qui consomment les viandes au jour le jour, eh bien, il y a risque d'attraper le cancer, notamment le cancer de l'estomac. Et la surconsommation de viande peut aussi provoquer le diabète. Ce qui n'est pas le cas pour les viandes blanches, comme l'indique l'expert en nutrition, Athanase Nianogeye. Par contre, les viandes blanches, pas de graisse, donc qui dit pas de graisse, pas de cholestérol et pas de risque cardiovasculaire. Ce sont des gens qui voudraient avoir un régime normal pour bien vivre et cohabiter et avec les autres groupes d'aliments, c'est-à-dire les aliments énergétiques et les aliments protecteurs. Quelle est alors la quantité exigée pour se rassurer qu'on consomme la viande avec modération? C'est dans notre chronique nutrition du dimanche prochain. Merci à toi Gertrude, c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous qui l'a suivi. Merci à Eddie Kadogo pour sa collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Mireille Naomini Tegeka. Au revoir et bonne suite des programmes.